Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ton Dieu n'a pas changé. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui ne crois plus au miracle, lorsque tu entends les autres témoigner, tu dis est-ce que c'est vrai? J'aimerais te dire que c'est vrai. Ton tour viendra. Ton problème c'est que tu es incrédule, tu ne crois pas, tu limites Dieu. Ton problème que tu vis là, le Seigneur a permis parce qu'il veut intervenir de manière miraculeuse. Crois, cesse de te plaindre, cesse l'incrédulité et crois et tu verras la puissance divine va débloquer ta situation. Commence à invoquer le nom de Jésus. Réveille-toi, réveille ton voisin. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Apocalypse 3, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui c'est Apocalypse 3, 1 à 6, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous allons partager quatre vérités essentielles. Voici la première vérité, c'est l'état de l'église de Sardes. Et plusieurs églises ressemblent à cette église. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Cela veut dire quoi? C'est une église qui vivait dans l'hypocrisie. C'est-à-dire quand on regarde au dehors, on dit que vraiment, là où il y a la vie de Dieu, il y a l'onction, il y a la puissance divine. Alors que au-dedans, c'est la mort. C'est en quelque sorte ce que Jésus reprochait aux pharisiens. On dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire au-dedans, c'est la mort. Il y a la mort lorsque Jésus-Christ n'est pas réellement au centre. Lorsqu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui se font passer pour être des chrétiens, mais qui vivent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le mysticisme. Ils font semblant, il n'y a pas de changement. Ils sont dans l'ivrognerie, ils sont dans l'homosexualité, ils sont dans l'impudicité. Mais au dehors, ils se font passer pour des chrétiens. C'est ça, cet état-là. Il dit, tu te fais passer pour vivant alors que tu es mort. Je vais parler à quelqu'un. Toi, tu pars à l'église, tu pars à la messe. Tu montres aux autres que tu es chrétien. Tu es même dirigeant dans une chorale. Tu chantes. Tu diriges le culte. Mais au-dedans de toi, tu sais que c'est la pourriture. Tu sais que Jésus n'est pas en toi. Il n'y a pas de transformation. Tu vis dans une vie de duplicité. Répands-toi. Deuxième vérité, c'est une suite de recommandations. Voici des recommandations. Il y a environ trois recommandations que Dieu adresse à son Église. Il nous parle encore aujourd'hui. Première recommandation, sois vigilant et affermis les restes qui est prêt à mourir. Vous voyez? Dieu demande la vigilance. Aujourd'hui, nous devons être vigilants parce que il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église là, qui se disent chrétiens, chrétiennes, qui ne sont pas réellement convertis, mais qui viennent parfois pour semer le désordre, qui sont des envoyés parfois du diable, qui viennent faire tomber les autres. Dieu dit, sois vigilant et affermi. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens parfois qui sont encore des bébés spirituels, qui peuvent être contaminés par ces gens-là que l'ennemi envoie. Affermi. Sois vigilant. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux frères, des envoyés du diable. Deuxième recommandation. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde. C'est-à-dire, tu dois te rappeler du message originel, de l'enseignement que tu as reçu et tu dois garder cet enseignement. Il y a beaucoup de gens qui dévient dans des sectes, dans des hérésies. Je vais parler à toi, ma sœur. Tu dis que vraiment, dans ton église, tu ne vois pas le Seigneur agir. Et maintenant, chaque personne qui vient te raconter, on vient te raconter des visions, des prophéties et tu changes. Tu vas d'église en église. Je parle à toi. Tu travaillais même quelque part, il y a quelqu'un qui est venu te donner une prophétie pour dire que Dieu te demande de quitter ton travail et que tu commences à faire l'œuvre de Dieu et tu commences à déambuler par-ci, par-là. Notre Dieu, il nous donne aussi l'intelligence, vous voyez? Donc, garde ce que tu as reçu. Lorsque quelqu'un te donne une prophétie, une vision, il faut que tu sois en mesure de comparer avec ce que tu as entendu. Tu vas vérifier si réellement ce qu'il t'a dit est biblique. C'est pourquoi le Seigneur dit, garde. Ce que nous devons garder, c'est la parole, l'évangile pur que beaucoup de gens ont abandonné. Troisième recommandation, répands-toi. La repentance est importante. Lorsque tu te rends compte que tu es tombé dans un péché, tu ne dois pas chercher à discuter. On dit « repens-toi ». Tu te rappelles de l'histoire de Saül, le roi Saül. Dieu lui a demandé d'exterminer les brebis des Amalécites. Au lieu d'exterminer, lui il a cherché à se justifier. Il a laissé des brebis grasses. Je vais parler à toi. Il y a des péchés mignons que tu gardes dans ta vie. On t'a déjà parlé, on t'a déjà prêché. Au lieu de te repentir, tu veux quitter l'église, tu veux aller dans une église où on t'encourage, on te donne des fausses prophéties. Tu as pris un mari d'autrui et on prophétise, on dit que c'est toi la femme de cet homme alors que tu vis dans l'immoralité. Non! Au lieu de te révolter contre le pasteur qui a prêché, on dit « repens-toi ». La repentance, c'est le message central que Jésus a donné. « Repens-toi, mon ami. » Oui, ta femme a découvert que tu la trompes. Au lieu de te repentir, toi tu te mets maintenant à chercher qui a révélé ça à ma femme. Qui a révélé ça à ma femme? Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, ce n'est pas de savoir qui a dit à ta femme. Mais ton problème, c'est de savoir reconnaître est-ce que ce que tu as fait là, est-ce que c'est faux ou vrai? C'est ce que les gens disent là. Si réellement tu vois que c'est vrai, au lieu de chercher à te justifier, répands-toi, reconnais aux yeux de Dieu. Saül n'a pas voulu reconnaître son péché. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais David, lorsqu'il est tombé dans l'adultère, il l'a reconnu, il s'est repenti. Repends-toi. Et le Seigneur dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne te répands pas, les retours de Jésus risquent de te surprendre. Troisième grande vérité. Dieu se conserve toujours un reste. Même si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les faux, ne soyez pas découragés. Il y a toujours un reste. Et je voudrais que toi qui m'entends, tu sois parmi ces restes-là. Vous voyez? Au verset 4, il est dit. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Marcher en vêtements blancs, c'est-à-dire quoi? C'est marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que le péché constitue des taches. Lorsque tu mènes une vie de péché, c'est comme des taches. C'est-à-dire, vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce sont des gens qui se préservent. Qui sont ces chrétiens-là aujourd'hui qui s'éloignent du péché, qui reconnaissent qu'en vivant dans tel péché, je me souille. Il faut que tu puisses te purifier et tu vas porter des vêtements blancs. La blancheur représente la sainteté. Et le Seigneur dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Quatrième et dernière vérité, c'est la promesse que Dieu donne aux vainqueurs. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez, ce sont des choses que le Seigneur fera lorsqu'il reviendra. Lorsque tu es chrétien, né de nouveau, tu persévères dans la marche chrétienne. Le Seigneur te dit, tu seras revêtu de vêtements blancs. Non seulement tu seras revêtu de vêtements blancs, il dit, je n'effacerai point ton nom du livre de vie. C'est impossible. Parce que lorsque tu as accepté Jésus, ton nom a été inscrit dans les livres de vie. Et personne ne peut effacer parce que tu es un chrétien authentique qui reconnaît Jésus comme Christ et Seigneur et Sauveur. Et il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est-à-dire que tu seras digne. Jésus va t'honorer ce jour-là en présence du Père, en présence des anges. Il va te confesser que voici, ça c'est un véritable chrétien. Il est digne de régner avec moi dans mon royaume, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu ne dois pas avoir honte de Jésus parce que lui, lorsque tu fais partie des vainqueurs, il ne va pas effacer ton nom du livre de vie. Il va confesser ton nom publiquement. Il va t'honorer. Il va te glorifier, il va te donner la couronne devant les anges et devant ton Père. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions glorifier ce Dieu. Il est merveilleux, il est digne de louange. J'aimerais que nous puissions chanter pour ce Dieu-là. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Gloire au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour toutes ses promesses qu'il nous fait. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu fidèle. Élevons nos voix. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui connais nos œuvres. Rien n'est caché devant toi, devant qui nous devons rendre compte. Sois béni, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Que l'honneur te revienne, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu plein d'amour. Tu nous as tellement aimé que tu nous enseignes jour après jour. Nous te bénissons, Jésus, toi la parole faite chair, toi qui habites en nous, nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions, ô notre Dieu, notre Seigneur, merci. Ô Seigneur, pour ton sang qui nous purifie, qui nous lave de toute souillure, et merci Seigneur, toi qui promets de nous donner un vêtement blanc, de changer notre nom et de confesser nos noms devant le Père et devant les anges. Nous t'élevons pour cela. Nous bénissons ton nom, toi qui n'as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs. Oui, tu nous as aimés et tu nous as sauvés. Merci, ô notre Sauveur, notre Dieu, toi le Seigneur de gloire. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 3, 1 à 6 est notre texte de jour dans le cadre de notre émission OSB Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir l'hypocrisie de l'Église de Sardes. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour vivants alors qu'ils se sont des morts, des cadavres spirituels. Oh, je veux que nous puissions prier pour toutes ces personnes-là qui remplissent nos églises, qui font semblant d'être pasteurs, d'être diacres, diaconesses, d'être prophétesses, alors qu'ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils marchent dans des œuvres de ténèbres. Prions pour elles, pour qu'elles se repentent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin parce que ta parole est la vérité. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous révèle les choses cachées. Sois béni ce matin pour cet esprit qui a rempli l'Église. L'hypocrisie, tu t'es levé contre les pharisiens que tu as appelés les tombeaux blanchis. Nous voulons nous lever contre cet esprit d'hypocrisie dans nos communautés, dans nos familles, dans nos assemblées, au nom de Jésus-Christ. On fait semblant de paraître, oh le cœur est rempli de ruses, de mensonges, de haine, de tromperies, de voleurs. On s'habille, ô Seigneur, en peau de brebis. Ô que nous sommes des loups qui sommes dans l'église pour détruire, pour tromper, pour amener les autres, éloigner les autres de la voie de Dieu. Nous voulons nous lever ce matin contre l'esprit de l'hypocrisie, mensonge, ruse, tromperie, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit soit ôté, soit banni de l'église. Seigneur, viens à nos secours pour que les cœurs soient remplis de ta crainte, soient remplis de la voix de Dieu. Merci parce que un esprit de conversion, un esprit de repentance, un esprit de pardon va jaillir dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir plusieurs recommandations que le Seigneur formule à son Église ici. Il dit, sois vigilant. Il dit aussi, rappelle-toi comment tu as reçu, entendu et garde. Aujourd'hui, nous devons être vigilants parce qu'il y a beaucoup de faux qui s'infiltrent dans l'église. Il faut la vigilance. Nous devons garder la parole de Dieu. Prie le Seigneur. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à être vigilant. Aide-moi à retourner à ta parole. Le message pur que beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens courent derrière miracles, derrière des visions, des fausses visions, prophéties. Mais Dieu dit, retiens ce que tu as. Garde la parole de Dieu. Prions pour que nous puissions retourner à l'évangile pur et que nous puissions garder la parole. Prions le Seigneur. Nous t'élévons et nous te remercions. Merci parce que, Papa, ta parole est la vérité. Et ce matin, je te prie de nous sanctifier par la vérité. Père, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup font profession de te connaître, mais ils te renient par leurs œuvres, étant rebelles et aucune bonne œuvre. Cher Saint-Esprit, accorde-nous le don de discernement pour savoir détecter les méchants, toutes ces personnes-là qui se revêtent des peaux de brebis, qui viennent pour vouloir tromper, qui viennent pour vouloir usurper, qui mentent, qui sont des méchants, qui viennent pour pouvoir faire tomber des hommes et des femmes, détourner plusieurs personnes de leur destinée pour voler. Merci, cher Saint-Esprit, Esprit de nous aider. Merci de nous donner ta pensée, de réellement aimer la parole, de vivre par la parole, de marcher par ta parole, de connaître ta parole, d'aimer les enseignements. Père, que tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie dans les églises, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, le mysticisme, Père, nous prions que tu ouvres les yeux de ces supposés fidèles et que ces fidèles sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour la foi d'une multitude qui grandit, qui évolue, parce que ces hommes et ces femmes croient en toi, marchent avec toi, vivent selon l'esprit, vivent selon la parole, vivent dans la justice, vivent dans la vérité. Merci et nous te retournons toute la gloire parce que tu équipes tes enfants afin de te reconnaître comme Dieu pour toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Nous venons de voir que dans chaque génération, Dieu se garde toujours un reste. Un reste de ce qui ne se souille pas. Et que chacun de nous fasse partie de ces restes-là. De ceux qui marchent en vêtements blancs. De ceux qui font partie des vainqueurs. De ceux pour qui Jésus dit, je n'effacerai point leur nom du livre de vie. Tu vas prier le Seigneur pour que tu puisses te distinguer de cette génération corrompue et perverse par ta vie, par ton témoignage. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la majesté. À toi nos acclamations. Nous voulons nous incliner, nous agenouiller devant toi. Lever les mains parce que tu le mérites. Merci parce que il t'a plu de nous sauver et de nous mettre à part pour annoncer ta parole, pour être des modèles, pour être des exemples, pour impacter positivement notre génération. Pour être la lumière du monde, nous voulons nous distinguer par nos prières, par notre vie de sainteté, parce que nous plongeons nos regards dans ta parole. Nous annonçons ta parole à tous ceux qui ne te connaissent pas, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin de toi. Nous voulons nous plonger dans le sang de l'agneau, imbibé du sang de l'agneau, caché dans le sang de l'agneau, que ta crainte inonde, envahisse, remplisse nos vies, Seigneur, à marcher dans la sainteté, dans la pureté et dans la crainte. Seigneur, c'est notre vœu, c'est notre souhait, parce que nous voulons être mis à part, être distingués, notre Dieu, notre Père, et conduire ce monde à la vérité. La vérité, c'est toi. Le chemin, c'est toi. Merci, Père. Parce que nous t'aimons et tu nous as aimé le premier au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que c'est demain dimanche. Nous aurons notre grande rencontre Bonheur conjugal pour les célibataires. Cette rencontre se tiendra à l'auditorium des écoles méthodistes en face des chutes de Cocody. Il y a une grande salle qui est là. C'est là que nous serons avec notre sœur invitée, Maïka Moukeba. Nous allons développer ce thème. Nous allons clôturer ce thème. Lève-toi pour entrer en possession de ton mariage. C'est en ce début d'année qu'il faut posséder le mariage. Il faut combattre les géants. Nous allons passer le moment de prière pour terrasser tous les géants qui s'opposent à notre mariage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer à 16h et l'entrée est libre. Si vous n'avez pas encore payé votre ticket pour le dîner gala qui aura lieu le vendredi 29 janvier à partir de 18h30 à l'hôtel Bellecôte, vous aurez la possibilité d'acheter votre ticket demain parce que les tickets seront là sur place à l'auditorium des écoles méthodistes. C'était OSB. Au revoir, à la fois prochaine. À nous la puissance, par son bras puissant.